بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد On va continuer, barakallahu fikum, la lecture et l'explication de ce livre très bénéfique, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullahu ta'ala. On est arrivé à la parole de l'auteur, Babu bayani shay'in min anwa'i sihr, le chapitre concernant l'éclaircissement de certaines formes de sorcellerie. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت Et donc ici, l'auteur, rahimahullah, il nous cite un hadith avec sa chaîne de transmission de l'imam Ahmed, rahimahullah, jusqu'au prophète, qui dit, certes, al-iyafa, ainsi que le traçage et l'augure font partie de al-jibt. Al-jibt, la diabolisation, c'est-à-dire, ou du moins al-jibt, C'est Rannatu Shaitan, le son du diable. Qu'est-ce que Al-Iyafa? Al-Iyafa, l'auteur qui nous dit, Kala Aufun Al-Iyafatu Zajru Tayr. Al-Iyafa, c'est le fait de faire voler l'oiseau, le fait de faire voler les oiseaux ou un oiseau. En fait, ce qui est voulu par là, c'est qu'ils font voler l'oiseau, ils regardent dans quelle direction il part. S'il part à droite, Alors ce qu'ils veulent faire est bien. Et s'il part à gauche, alors non, il faut s'arrêter là. Le traçage est tarq. Ce qui est voulu par là, c'est le fait de tracer des traits sur le sol. Le fait qu'il trace des traits sur le sol. Et ensuite, donc, il nous dit « Wattiyara ». Et l'augure, donc l'augure par quelque chose que tu vois ou que tu entends. Et l'augure, tout cela fait partie de, donc tout cela est diabolique. Rannatu shaitan, le son du diable. On a ici en Martinique parmi les formes d'augure, le fait de dire que si tel enfant se met dans telle position, Cela veut dire que sa maman est enceinte. Sa maman est enceinte. Ça, c'est de l'augure. Ça rentre dedans. Qui est tiré donc du mousnad de l'imam Ahmed. Il nous dit Isnaduhu Jayyid. Donc, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous dit la chaîne de transmission est bonne. En réalité, il y a des manquements dans la chaîne de transmission. C'est pour ça que l'imam Al-Albani, rahimahullah, il a jugé le hadith. Faible. L'auteur qui nous dit, Rahimahullah, Ibn Abbas, Rajallah, Anhum, Akol. Qu'ole Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, an iqtabasa shu'batan min al-nujumi, faqad iqtabasa shu'batan min al-sihr. Zada ma zad. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Et donc, selon Ibn Abbas, Rajallah, Anhum, qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui apprend une part de la science des étoiles, alors aura appris une part de la sorcellerie. Et il augmentera en fonction de son augmentation, rapportée par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Donc il y a dans ce hadith, ce qui est voulu par la science des étoiles, jazakumullahu khairan, concrètement l'astrologie, l'étude des étoiles pour la sorcellerie, pour la voyance, etc. Et donc celui qui apprend une part de l'astrologie, celui qui apprend une part de l'astrologie aura certes appris une part de la sorcellerie et il augmentera en fonction de son augmentation. Ce qui est voulu par il augmentera en fonction de son augmentation, c'est-à-dire que plus il apprendra l'astrologie, plus il apprendra donc la sorcellerie. Voilà ce qui est voulu par là. Et donc, l'astrologie fait partie de la sorcellerie. L'astrologie fait partie de la sorcellerie et fait partie donc de ce péché qui fait partie des péchés capitaux. L'auteur qui nous dit, Rahimahullah, من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. Ce hadith a été jugé faible par Al-Albani, rahimahullah. Et donc, selon Nasa'i, d'après Abu Hurayra, radiallahu anhu, celui qui fait un nœud et qui souffle dessus, ça c'est une forme de sorcellerie. Celui qui fait un nœud et qui souffle dessus aura donc fait de la sorcellerie. Et celui qui fait de la sorcellerie aura fait du polythéisme. Et celui qui s'accroche à quelque chose sera donc délaissé pour cette chose. Celui qui s'accroche à quelque chose, où qu'il est, il est. Celui qui s'accroche à quelque chose, ce qui est voulu par là, celui dont son cœur est accroché à quelque chose. Toi, tu dois faire en sorte que ton cœur soit accroché à ton Seigneur. Tu dois faire en sorte que lorsqu'il t'arrive quelque chose, tu sais, tu as confiance en ton Seigneur. Tu ne dois pas être comme celui qui est accroché à la carte vitale, comme souvent je le dis pour nos frères en France. Je leur dis, ce qui vous empêche de faire la hijra, parmi les causes qui vous empêchent de faire la hijra, c'est la fameuse carte vitale à laquelle vous êtes si accroché. Vous vous dites que, mais si je retourne dans mon pays, là-bas, il n'y a pas la carte vitale, et si je tombe malade, etc., etc. Alors que ton Seigneur qui est ici, c'est le même qui est là-bas. C'est le même qui est là-bas. Et donc, ne t'accroche pas à cette carte vitale, ne t'accroche pas à cet élément mondain, mais accroche-toi à ton Seigneur. Celui qui s'accroche à quelque chose d'autre que Allah tabaraka wa ta'ala, ou qu'il est, il est, ce qui est voulu donc, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala le délaisse pour cette chose. Vu que tu t'es accroché à cette chose, et donc Allah tabaraka wa ta'ala te laisse à cette chose. Et donc, il est important qu'on s'accroche à Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et ça, c'est un problème qu'on trouve aussi souvent chez les personnes qui sont touchées par la sorcellerie. Souvent, ils sont touchés par la sorcellerie, ils vont s'accrocher à un râpi. Un tel râpi, il est fort, il fait des bonnes rokia, etc. Au lieu de s'accrocher à Allah, tabaraka wa ta'ala, de chercher le secours chez Allah, azzawajal, ils vont chercher le secours chez des créatures. Ils vont s'accrocher à une personne en particulier, s'accrocher à une chose particulière, etc. Et délaisser le fait de revenir à l'obéissance de Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, an ibn Mas'ud, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam aqol, ala hal unabbi'ukum bil'adhu hiya an-namima al-qalatu bayna an-nas. Et donc, selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis-je vous informer de al-adhu, la séparation. Puis-je vous informer de la séparation, la division. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, hiya an-namimatu al-qalatu bayna an-nas. C'est an-namima. An-namima, c'est le colportage. C'est le colportage. C'est le fait de beaucoup parler pour donc beaucoup parler pour causer de la donc de la haine et des conflits entre les gens, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Et donc le colportage, barakallahu fikoum, ici pourquoi est-ce que l'auteur il nous cite cela, donc un hadith mettant en garde contre le colportage. Dans Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Premièrement, déjà parce que tous les péchés que nous allons faire vont être liés à une faiblesse dans notre Tawhid. Tout péché que tu fais est une obéissance au shaitan. Tout péché que tu fais est une obéissance au shaitan. Et cela est une faiblesse dans ton tawhid. Car tout péché que tu fais va être liée aussi au fait, donc, à une faiblesse dans ta croyance à Yaoum el-Hiseb, au jour où tu seras jugé. Est une faiblesse dans ta croyance au fait que Allah tabaraka wa ta'ala voit pertinemment ce que tu fais, etc., etc. Et donc, tout péché que tu vas faire a un lien avec le tawhid. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, le colportage a un lien direct avec le sujet. Pourquoi? Les savants nous disent, ils nous citent donc le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, ils nous citent certains hadiths, d'autres hadiths, qui nous montrent l'interdiction de la sorcellerie. Et aussi, ils nous citent une parole très connue des savants. Les gens de science, ils nous disent, Inna namem. Yufsidu ala nasi, mais la yufsidu sahiru fi sana. Les gens de science, ils disent que certes, le colporteur, il va corrompre les relations des gens d'une façon que le sorcier ne fait pas en un an. C'est-à-dire que le colporteur va semer plus de désordre entre les gens que le sorcier en lui-même. Le colporteur va semer plus de troubles entre les gens que le sorcier en lui-même. Tellement il va parler sur un tel, et un tel, et un tel, et un tel. Regardez ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Il a fait ça sur toi, il a dit ça sur toi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Inna fasada dati al-bayn hiya al-haliqa. Pendant le recueil de l'imam Ahmed, certes, le fait de corrompre les relations entre des gens, c'est ça, el-haliqa, c'est la raseuse. La raseuse, el-haliqa. Ou alors, on peut dire le rasoir, el-haliqa. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, Certes, vous est venue la maladie des communautés précédentes avant vous, el hasadou, la jalousie, wal bardaou, ainsi que la haine, hiya et c'est la raseuse, ou comme j'ai dit, le rasoir. Et ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la akulu walakin. Je ne dis pas que celle-ci ou que celui-ci rase les cheveux, mais je dis que celui-ci rase la religion. Et donc, ceci sème tellement la haine entre les gens et la division que cela va causer la faiblesse de la religion. Et donc, il est important qu'on ne tombe pas dans ce péché non plus. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, comme dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, la yadkhulul jannata. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, un colporteur ne rentre pas au paradis. Un colporteur ne rentre pas au paradis. Et aussi dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est passé à côté de deux tombes et qui a entendu le son de deux personnes qui se faisaient châtier, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Innahuma la yu'adhaban, wa la yu'adhaban fi kabir, wa ma yu'adhaban fi kabir, bala innahu la kabir. Elle dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, ces deux personnes se font châtier, mais ils ne se font pas châtier pour quelque chose de grand. Ce qui est voulu par là, ils ne se font pas châtier par quelque chose qui était difficile à éviter. Ils auraient pu l'éviter, ce qu'ils ont fait. Mais c'est quelque chose de grand. C'est-à-dire que c'est un grand péché qu'ils ont fait. Et donc, il ne se faisait pas châtier pour quelque chose qui était difficile à éviter, Mais ils se faisaient châtier pour un grand péché, un péché grave qu'ils ont accompli. Certes, l'un d'entre eux se faisait châtier parce qu'il faisait du colportage entre les gens. Il faisait du colportage entre les gens. Et donc ici, il y a dans ce hadith aussi le fait d'affirmer quoi? Le châtiment de la tombe. Le châtiment de la tombe. Ce hadith qui est dans Sahihain, Sahih al-Bukhari et Muslim. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, an ibn Omar, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان la sihra. Et selon Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Omar, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, certaines formes d'éloquence sont de la sorcellerie. Certaines formes d'éloquence sont de la sorcellerie. Et donc, il faut savoir, barakallahu fikoum, que l'éloquence, elle va être de deux formes. Une éloquence qui est louable, lorsque c'est une éloquence qui va être utilisée pour défendre la vérité, pour enseigner aux gens le bien, il est important donc d'avoir une certaine forme d'éloquence pour pouvoir faire en sorte que les gens comprennent correctement le message, pour pouvoir faire en sorte que les gens comprennent correctement le message. Pour pouvoir répliquer au faux, il faut aussi avoir, il est aussi bien d'avoir une certaine forme d'éloquence. L'éloquence qui va être réprimandée, blâmable, c'est l'éloquence qui va être utilisée pour changer le faux en vrai et le vrai en faux. La personne, tellement elle est éloquente, elle va prononcer une parole qui est totalement caduque et fausse, mais les gens ne s'aperçoivent pas de la fausseté de cette parole, tout cela par l'éloquence de cette personne. On a des imams, des prédicateurs qui sont éloquents et qui vont tromper les gens avec leur éloquence. Ils vont tromper les gens avec leur éloquence. Et ça, et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Inna min al-bayan ila sihra. Certes, certaines formes d'éloquence font partie de la sorcellerie. Certaines formes d'éloquence font partie de la sorcellerie. Parce que, qu'est-ce que la sorcellerie fait? La sorcellerie, parmi les formes de sorcellerie, il y a celle qui va changer le faux en vrai. Ou celle qui va changer le vrai en faux. Tromper les gens. La sorcellerie va permettre de tromper les gens. Et donc ici, cette éloquence va avoir le même rôle que la sorcellerie, le fait de tromper les gens. Et donc il est important, barakallahu fikoum, les frères, de bien comprendre cela. Et ici, dans ce chapitre, on a vu quelques formes de sorcellerie, sans pour autant rentrer dans les détails. Mais les chapitres qui viennent après, l'auteur y rentre dans les détails concernant plusieurs formes de sorcellerie. On verra ça. Bismillah ta'ala, le prochain cours c'est samedi, inshallah ta'ala, samedi matin, bismillah. D'ici là, j'espère que j'aurai retrouvé le dictaphone. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.